La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La trajectoire sociale de Racine est l'une des plus extraordinaires qu'on puisse imaginer. Parti d'un milieu de la toute petite bourgeoisie, orphelin alors qu'il n'était encore qu'un petit enfant, il se hissera jusqu'à la cour et sera anobli par Louis XIV, dont il deviendra l'historiographe avec son ami Boileau. Mais si Racine fut un courtisan, il n'en était pas moins un artiste, comme nous l'avons vu hier avec Alain Viala au cours de notre première émission biographique. Racine a puisé à deux sources essentielles les sujets de ses tragédies, la source historique et la source antique. C'est sur cette dernière et notamment sur la source euripidienne que nous nous attarderons demain. Ce sera avec le chercheur Tristan Allonge. Enfin jeudi, Nathalie Azoulay, prix Médicis en 2015 pour Titus n'aimait pas Bérénice, évoquera l'amour chez l'auteur de Phèdre, à la suite de quoi c'est Pierre le Pape qui viendra conclure cette série en revenant sur la personnalité et sur l'œuvre de Racine. Et aujourd'hui ? Puisque j'en ai l'occasion, je dois dire que dans les trois grands drames de Racine, qui sont Britannicus, Phèdre et Athalie, dans aucune langue du monde, ni dans Shakespeare, ni dans les Grecs, ni nulle part, je ne trouve quelque chose d'équivalent. Je trouve que ce sont des chefs-d'œuvre extraordinaires. Aujourd'hui, pour évoquer l'œuvre de Racine, nous sommes en compagnie de Georges Forestier, qui a dirigé le volume Théâtre Poésie de Racine, paru en 1999 dans la Pléiade. Et puis en 2006, il avait rédigé la biographie du dramaturge aux éditions Gallimard. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. L'alexandrin, au contraire, ou l'hexamètre, sont des éléments narratifs. Et les appliquer au drame, à mon avis, sont un non-sens. Sauf alors pour des génies exceptionnels comme Racine, qui lui en a fait un emploi miraculeux. Je trouve Racine étant une des exceptions inouïes de l'art littéraire. Ça prouve que rien d'absolu ne peut exister, parce que même avec cet instrument que je considère comme mauvais pour le drame, Racine, qui est mon prédécesseur à l'Académie, comme vous savez, puisque j'occupe son fauteuil, on a fait un emploi étourdissant. Et ces archives étaient celles de Paul Claudel, qui vantait au micro de Jean Amrouche l'alexandrin miraculeux de Racine. Bonjour à vous, Georges Forestier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cet alexandrin de Racine, est-ce que vous diriez qu'il est la marque de son classicisme ? Est-ce qu'il est la marque de son classicisme ? Oui et non, parce que l'alexandrin, en fait, comme le rappelait Claudel, mais il le déplorait, c'est l'instrument depuis le XVIe siècle, depuis que le théâtre est renaît sous sa forme moderne au XVIe siècle, c'est-à-dire sous sa forme paradoxale, parce qu'il renaît au XVIe siècle en imitant le théâtre antique. Et c'est ça qui fait le théâtre moderne par rapport au théâtre du Moyen-Âge. Eh bien, il est d'emblée en vers alexandrin. Et donc, du coup, c'est un instrument qui va être plus ou moins utilisé, magnifié, massacré par les confrères de Racine, les prédécesseurs de Racine. Et donc, c'est pas le vers lui-même qui fait le classicisme de Racine. C'est la manière dont il reprend un des sujets éternels qui reviennent de la légende antique, et deux, la manière dont il traite les relations humaines et les passions humaines. Et ça... Alors, c'est quoi ce classicisme ? Est-ce qu'on peut dire que c'est des passions humaines, justement, qui sont des passions universelles ? L'universel étant entendu ici au sens d'universel en Occident. Est-ce que ça, c'est ce qui fonde le classicisme, par exemple ? Alors, c'est compliqué. D'abord, il faudrait qu'on définisse la notion de classicisme. Justement. Elle n'existe pas. Enfin, si au XVIe, enfin au XVIIe siècle, lorsqu'on parle d'un classique, c'est un auteur grec ou latin qu'on étudie dans les classes. D'où le terme de classicisme. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que ça devient une notion esthétique. Et au XIXe, que c'est opposé au baroque, parce que c'est au XIXe siècle qu'on invente quelque chose pour pour toutes ses œuvres géniales, mais qui ne rentrent pas dans le cadre classique. Et donc, du coup, à l'époque de Racine, être un classique, c'est être Sénèque pour les Latins en matière de théâtre, et surtout Sophocle, et surtout Euripide pour les Grecs. Je dis surtout Euripide parce que c'est de lui que Racine se voudra l'héritier. Comme on le verra surtout demain. Voilà, et donc... c'est ça être un classique. Alors il se trouve que la particularité de ce qui s'est passé en France, c'est que comme à partir du XVIIIe siècle, on se met à admirer la production artistique du siècle de Louis XIV, c'est-à-dire de ce moment d'apogée de la littérature et des arts qui date du début du règne personnel de Louis XIV, en gros les années 60 jusqu'en 80, jusqu'à son virage dévot, jusqu'au moment où la France commence à être engluée dans les guerres, etc. Donc ce sorte de miracle artistique... qui est entre 20 et entre 1660 et 1680, eh bien, on s'est mis à partir du XVIIIe siècle à qualifier ce siècle de Louis XIV, ses écrivains, ses artistes, comme les successeurs modernes des classiques de l'Antiquité. Et donc, on s'est mis à les étudier à leur tour dans les classes. Et ils sont donc devenus des classiques, et c'est à partir des traits caractéristiques qu'on a réussi à fabriquer, et surtout les esthéticiens du XVIIIe siècle ont fabriqué à partir de ce qu'ils lisaient dans la théorie et dans les œuvres, qu'on a construit la notion de classicisme. Mais alors cette esthétique que du coup on a appelée l'esthétique classique, et celle de Racine en particulier, est-ce qu'on peut la définir en tant qu'esthétique ? Oui, on peut la définir en tant qu'esthétique. Alors, quand on est au lycée, on nous apprend qu'il y a trois règles, les fameuses règles, des trois unités d'action, de temps et de lieu. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ou plus simple si on veut, parce que la question des règles, des unités, découlait d'un élément fondamental qu'on avait cru trouver chez les anciens, qui était la notion de vraisemblance. C'est-à-dire que pour pouvoir créer un spectacle qui emporte les spectateurs, il faut leur faire croire que ce qu'ils voient est vrai. C'est-à-dire, faire croire que ce qu'on voit est vrai, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire que ça ressemble au vrai. Et ça, ce qui ressemble au vrai, on appelle ça la vraisemblance. Et du coup, c'est à partir de cette idée de vraisemblance qu'on s'est dit, tiens, il se trouve que les Grecs, ils faisaient dérouler la plupart de leurs actions dramatiques entre le lever et le coucher du soleil. Bon, pas toutes, hein, mais la plupart. Il se trouve qu'Aristote a dit dans la Poétique, ce texte qui a été la Bible de tous les créateurs au XVIIe siècle. Et de Racine en particulier. Et de Racine en particulier. Aristote dit, pour opposer la tragédie et l'épopée, il dit l'épopée se déroule en un an et la tragédie généralement entre le lever et le coucher du soleil. Et comme on a voulu faire des œuvres imitées de l'Antiquité, imitées des classiques, on a pris Aristote comme une sorte d'élément normatif, de source de règles, de lois, et on a dit, Aristote a dit il faut que ça se déroule entre le lever et le coucher du soleil. Mais il se trouve que ça tombait bien. Parce que les théoriciens de la vraisemblance, ils ont dit, qu'est-ce que c'est qu'une pièce de théâtre? Qu'est-ce que c'est que la représentation? C'est être pendant 2h30, 3h dans une salle de théâtre. Et être devant des personnages, des acteurs qui jouent des personnages. Et il faut qu'on croie à ces personnages. Si vous faites dérouler l'action que l'on voit devant nos yeux sur des jours, des semaines, des mois, des années, alors que vous êtes pendant 2h30 debout, vous allez avoir une sensation d'écartement, vous allez dire, tiens, il y a un auteur derrière qui me raconte une histoire. On ne peut pas non plus s'identifier aussi facilement à ce qui se passe sur la scène. Non, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est une idée fausse, puisqu'au cinéma, on fait des sauts d'années, on retourne en arrière, et ça, on est tout le temps dedans, on est pris. Mais leur idée, c'était qu'on sera encore mieux pris si le temps de l'action et le temps de la représentation sont le plus proches possible. C'est-à-dire si les 2h30 de la représentation coïncident à peu près à ce qu'on nous montre sur la scène, parce qu'on a l'impression d'être, dans ce cas-là, de ne plus être des spectateurs, mais des témoins. Mmh. Le rêve de l'esthétique qu'on va appeler classique, c'est de transformer les spectateurs en des témoins d'une vérité. Est-ce que, si on continue à caractériser un petit peu le théâtre racinien, il ne faut pas commencer par parler de la passion telle qu'elle est représentée par Racine? Est-ce que ce n'est pas cela qui l'apporte au XVIIe siècle, d'une manière nouvelle, la représentation sur scène de la passion, Georges Forestier? Il y vient progressivement, mais son point de départ, c'est pas ça. Parce que quand on voit la première tragédie qui le fait connaître, en 1664, qui s'appelle la Thébaïde, eh bien, la Thébaïde, il n'y a pas de passion. Mais c'est un coup d'essai, un petit peu, la Thébaïde. Oui, il a 25 ans. Mais ça prouve qu'il n'était pas, il n'a pas grandi en disant, je serai le poète de la passion. Alors, comment y vient-il? Il y vient parce que il faut voir le climat dans lequel, cette décennie des années 1660, Qu'est-ce qui domine le milieu des années 1660? Un courant qui est la tragédie du pathétique tendre, ce qu'on va appeler la tragédie galante, c'est-à-dire dans laquelle le héros, eh bien, il fait tout ce qu'il fait par amour pour celle qu'il aime. Y compris, quelquefois, ça peut être un héros qui va aller, un roi qui va aller contre ses propres intérêts pour plaire aux beaux yeux de celle qu'il aime. Et ça, on le retrouve chez Racine. Et qu'est-ce que fait Racine dans, on retrouve dans Andromaque, mais justement, la différence, c'est qu'il y a, il franchit un pas avec Andromaque définitif. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait une première pièce qui est La Thébaïde ou Les Frères Ennemis, qui est une application mécanique de ce qu'il a lu chez Aristote et ce qu'il a lu chez Corneille. C'est-à-dire, Aristote explique que le meilleur de sujet de tragédie, c'est celui qui doit provoquer la frayeur et la pitié. Donc, tordre l'estomac de peur des spectateurs et le faire pleurer. Et il dit, quels sont les meilleurs types de sujets qui vont provoquer ça? Et les meilleurs types de sujets, c'est ce qu'il appelle le surgissement des violences au sein des alliances. Et il explique, quand un père tue son fils, un frère son frère, un fils sa mère. Et qu'est-ce que fait Racine pour sa première tragédie? Il prend l'histoire des frères ennemis, les fils d'Édipe, c'est-à-dire un frère qui tue son frère. Et puis, il se rend compte que, il a un succès mitigé, etc., et que le succès va aux pièces, les triomphes vont aux pièces qui racontent des histoires d'amour échevelées, où la passion amoureuse entraîne tout. Or, le succès est toujours important pour Racine. Voilà. Et il écrit, de façon très opportune, Alexandre le Grand, qui est sa deuxième tragédie. Et dans lequel, Alexandre le Grand, image de Louis XIV, puisque Louis XIV, c'était le nouvel Alexandre à cette époque-là. La propagande royale le présentait comme nouvel Alexandre. Il écrit Alexandre le Grand, dans lequel Alexandre explique à sa belle qu'il conquiert le monde pour ses beaux yeux. Et là, donc, il va dans l'excès opposé. Et puis, l'équilibre, il va le trouver avec Andromaque. Certains auteurs ont affirmé qu'au temps les plus reculés de notre histoire, les hommes vivaient en horde sauvage. Chaque horde était asservie au mâle le plus vigoureux qui possédait indistinctement femmes, enfants et biens. Les fils étaient dépossédés de tout. La force du père les empêchait d'obtenir les femmes, sœurs ou mères qu'ils convoitaient. Si par malheur ils provoquaient la jalousie du père, ils étaient impitoyablement tués, châtrés ou chassés. Aussi, disent ces auteurs, les fils finirent-ils par s'associer pour tuer le père et prendre sa place. Le père tué, la discorde éclata entre les fils. Ils se disputèrent âprement son héritage, et ce n'est qu'après un long temps de lutte fratricide qu'ils en vinrent à fonder entre eux une alliance raisonnable. Chacun renonçait à convoiter la mère ou les sœurs. Le tabou de l'inceste était institué. Cette histoire, même si elle n'est qu'un roman, c'est tout le théâtre de Racine. Connu Georges Forestier, cette lecture d'un extrait de Sur Racine de Roland Barthes par Nicolas Devanne. Il est vrai que les pièces de Racine plongent dans les entrailles de nos inconscients. Est-ce que ça les caractérise aussi? Oui, mais c'est en quelque sorte accidentel. C'est-à-dire, quand je dis... en fait, tout est accidentel chez un grand artiste. Il fait des expériences, il lutte contre des contraintes. Et quand il est un grand artiste, la lutte contre la contrainte, ça produit des choses absolument merveilleuses. Et Racine n'avait pas l'intention d'éclairer l'inconscient humain, etc. Il avait l'intention de continuer à plaire à son public avec des histoires amoureuses, tout en étant fidèle à Aristote ou à la théorie littéraire du temps, qui est comment provoquer les émotions extrêmes de la tragédie, la frayeur et la pitié, avec des sujets de lutte entre proches. Ou plus exactement, de lutte fratricide ou matricide, etc., ou des parricides. Et c'est le fait, avec Andromaque, d'avoir réussi à combiner une histoire dans laquelle un homme aime une femme et à cause de cet amour pour une femme, pour cette femme, il va tuer l'homme dont cette femme est amoureuse par amour, etc. C'est-à-dire, il va créer un enchaînement tragique lié à la passion amoureuse et c'est à partir de là qu'il va réussir à joindre deux bouts fondamentaux qui est susciter la frayeur et la pitié et en même temps le faire à travers l'engrenage fatal de la passion amoureuse. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Racine essaye simplement de faire la meilleure pièce possible, c'est-à-dire la pièce qui va créer la plus grande émotion, la plus grande frayeur, la plus grande pitié chez le spectateur. Et faisant cela, il touche aux fondamentaux de l'être humain, mais d'une manière finalement non préméditée. Oui, non préméditée, et en même temps, quand Aristote disait que ce qu'il faut, les meilleurs sujets de tragédie, ils sont d'ordre anthropologique. Hein, quand il dit, c'est ceux qui sont les plus inacceptables anthropologiquement, c'est-à-dire un père qui tue son frère, un fils, sa mère. Ou bien un fiancé, sa fiancée, etc. Je veux dire, et déjà, il y avait ce point-là qui était, on touche au fond de l'âme humaine, puisque il y a une dimension anthropologique. Et ce que fait Racine, c'est qu'il mêle la dimension anthropologique avec la passion amoureuse. Et c'est ça qui fait la force des pièces qui vont succéder à partir d'Andromaque. Entre parenthèses, qu'est-ce que vous pensez de ce texte de Barthes? On en réentendra des extraits tout au long de la semaine, mais c'est vrai que c'est un texte peut-être fondamental d'une certaine lecture de Racine. Elle a peut-être vieilli d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, enfin, moi j'ai jamais été... J'ai toujours trouvé que c'était de la belle littérature qu'il écrivait sur Racine. Mmh. Il utilise Racine comme un sujet de littérature. Exactement. Mais d'autres l'ont fait. Hein. Il est le premier à avoir dit que Titus n'aimait pas Bérénice. Ouais. N'aimait plus Bérénice. Et donc, Barthes utilise Racine comme sujet de littérature, mais Racine, justement, n'était pas un créateur d'intrigues. Lui aussi, il utilisait une littérature qui existait déjà, ou des mythes qui existaient déjà. Mais ce qui est fort, c'est qu'il n'est pas un créateur d'intrigues. Restons avec Andromaque, si vous permettez, parce que c'est une des pièces les plus connues, hein, qui me paraît les plus fortes. Si on regarde Andromaque, on s'aperçoit que Racine, il est parti d'Euripide, qui avait écrit une pièce qui s'appelait Andromaque. Mais quand on regarde la manière, ce à quoi il est arrivé, Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime éternellement son mari défunt, Hector, le prince de Troie, etc. Eh bien, on s'aperçoit que ça n'était pas donné dans ses sources. Parce que dans les sources, Hermione n'a jamais cessé d'aimer Oreste. Et une fois que Pyrrhus est assassiné, Hermione et Oreste partent main dans la main. Donc la question, c'est pourquoi Racine est arrivé à créer une intrigue dans laquelle Hermione demande à Oreste de tuer Pyrrhus parce qu'elle aime passionnément Pyrrhus. Et ce qui est très intéressant, c'est une série de contraintes qui l'ont conduit à faire ça. Par exemple, le fait que Pyrrhus, contrairement à ce qui se passe chez Andromaque, n'a pas violé sa captive Andromaque comme tout vainqueur de guerre, mais qu'on est au XVIIe siècle, que Pyrrhus est l'image du roi de France, et qu'un roi de France doit être élégant, galant, etc. Et donc, s'il aime une captive, il va devenir amoureux d'elle et la supplier, et jamais il aura l'idée de la forcer, quoi que ce soit. Il fera un peu de chantage si elle a un fils, etc. Vous voyez? Et donc, du coup, ça conduit petit à petit. Si Pyrrhus n'a pas encore violé, couché avec Andromaque, il n'a pas d'enfant d'elle, etc., etc., il est partagé entre deux femmes. S'il est partagé entre deux femmes, pour que l'intrigue fonctionne, il faut que Hermione soit elle aussi amoureuse de Pyrrhus, sinon il n'y a pas d'intrigue. Et du coup, vous voyez, il crée un engrenage tragique à partir de contraintes, et il explore ça ensuite. Donc Racine ne nous parle que du XVIIe siècle ? Non, pas du tout. Parce que la passion amoureuse, c'est quelque chose qui a existé depuis l'Antiquité, et notamment depuis un de ses modèles. Alors, parce que là, on peut prendre un autre type de modèle que Racine a exploré, c'est celui de d'Ovide, le fameux poète latin, le poète élégiaque latin, avec ses fameux amours, art d'aimer, et surtout ces lettres des héroïnes qui sont publiées depuis l'Antiquité sous le titre de Héroïde, qui sont des lettres dans lesquelles Pénélope écrit à Ulysse sur la séparation, dans lesquelles Médée écrit à Jason qu'il a abandonné, etc. C'est-à-dire que c'est des lettres désespérantes et déchirantes de femmes, des lettres d'amour, écrites par un homme, hein, Ovide, déchirantes d'amour vis-à-vis de l'homme dont elles sont séparées par la mort, par la guerre ou par l'abandon. Et ça, je veux dire, c'est un des éléments qui a nourri Racine. Et Racine, il fabrique des personnages avec les contraintes dont je parle, l'engrenage tragique de l'amour et des caractères féminins qu'il emprunte ou qui bâtit exactement de la même manière qu'Ovide bâtissait ses personnages, c'est-à-dire ces femmes amoureuses qui sont capables d'aller jusqu'à la menace de mort, jusqu'à la promesse de mort contre l'homme qui les abandonne et d'aller jusqu'à la mort. Voilà, tout ça avec la reprise sans cesse d'histoires qui sont des histoires finalement connues de tous les spectateurs. Et il passe comme ça d'un cycle grec à un cycle romain, à un cycle oriental, puis il revient à un cycle grec et il termine par un cycle biblique. Alors ça pose une question, qu'est-ce que signifie créer finalement au XVIIe siècle? Est-ce que créer c'est forcément repartir d'une histoire déjà connue des gens qui vont regarder la pièce. Non, c'est pas forcément repartir d'une histoire déjà connue, parce que Corneille, au contraire, faisait son miel de sujets aujourd'hui en tout totalement obscurs. Molière aussi, évidemment. Oui, enfin, Molière, il fabrique des sujets. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Mais Molière, c'est la comédie. Ouais. Et la caractéristique, l'opposition fondamentale dans toutes les théories de l'Antiquité au XVIIe siècle, c'est que la différence entre la tragédie et la comédie, c'est que la tragédie raconte des histoires appuyées sur l'histoire ou la légende ou la Bible, alors que la comédie, ce sont des sujets inventés. Donc la comparaison ne peut pas aller entre... Mais Corneille choisissait plus volontiers des sujets rares qu'il traitait à sa manière, alors que Racine, lui, il aboure des sujets qui sont déjà connus. Et alors, comment passe-t-il et pourquoi d'un cycle à l'autre? Qu'est-ce qui lui donne envie de passer, par exemple, de la légende grecque à la tragédie historique? Vous avez parlé de carrière hier avec Alain Viala. Il est évident qu'un auteur, je ne vais pas être trop prosaïque en disant qu'il gère une carrière, mais il le fabrique, en fait. Il a son image de créateur à gérer, pardonnez-moi ce terme un peu moderne, c'est-à-dire que lorsqu'on est en 1667, où ses partisans ont dit après Andromaque, c'est le nouveau Corneille, et les partisans de Corneille, la plus grande majorité des amateurs de théâtre ont dit, il faut pas aller, il va un peu vite, etc., etc., donc calmons-nous. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le terrain de Corneille, c'est-à-dire la tragédie romaine. Mmh. Donc, il n'y avait que Corneille qui pratiquait la tragédie romaine, mais le grand domaine de la tragédie depuis le XVIe siècle, c'est la tragédie romaine. Et il va sur le terrain de Corneille avec la tragédie romaine, et c'est comme ça qu'il choisit le sujet de Britannicus. Un sujet où un frère tue son frère. On est toujours chez Aristote, hein. Surgissement des violences au sein des alliances. Est-ce que la naissance de l'opéra peut avoir aussi son influence? Alors ça, c'est le retour après les tragédies romaines que sont Britannicus et Bérénice, puis les tragédies orientales que sont Bajazet et à la fois romaine orientale qu'est Mithridate, le voilà qui revient vers Euripide avec Iphigénie et Phèdre. Eh bien, il se trouve que l'enjeu, là, c'est un enjeu de taille qui est ce que c'est que la tragédie à la cour de Louis XIV. Il se trouve que depuis 3 ans est né l'opéra français, sous la houlette de Lully et de l'ancien auteur de tragédie qui est Quinault, grand spécialiste de tragédie du pathétique tendre, justement, et qu'il apprend à Racine, quelques mois avant Iphigénie, avant d'avoir l'idée d'écrire Iphigénie, qu'il vienne de s'attaquer à Euripide et de choisir le sujet d'Alceste, qui est l'un des plus beaux sujets d'Euripide, l'histoire de cette femme qui se sacrifie pour sauver son mari parce qu'il va mourir si elle ne se sacrifie pas et que les parents ne veulent pas. Ils disent « Oh, nous, on est vieux, mais on ne veut pas mourir pour notre fils », etc. Et donc, et c'est de ça que... Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait pour s'affirmer face à ce qu'on appelle à ce moment-là la nouvelle tragédie, on va appeler ça plus tard la tragédie lyrique, hein, ça s'appelle la tragédie en musique à ce moment-là. Et la tragédie musique dit, ah, souvenez-vous, dans l'Antiquité, chez les Grecs, la tragédie, elle était avec la musique. Et donc, nous, on est les véritables héritiers de la tragédie grecque, même si on nous fait passer pour les modernes absolus, avec tout est chanté, etc., avec les orchestres de musique moderne, celle de Lully, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'il décide de réaffirmer le magistère de la tragédie parlée, en choisissant lui aussi, de nouveau, Euripide, pour aller décidément, absolument contre Alceste de Quinault et Lully. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, puisqu'on a parlé de classicisme en entamant cette émission, Georges Forestier. Il faut maintenant parler un petit peu de modernité et rappeler l'importance pour Racine de la fameuse querelle des anciens et des modernes initiée par Charles Perrault. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu d'abord le contexte, nous redire de quoi il s'agit et puis nous dire en quoi Racine en était l'un des acteurs? Oui, alors Charles Perrault en fait fait éclater la querelle des anciens et des modernes hein, par son fameux poème de Louis XIV, le siècle de Louis XIV hein, qui est lu à l'Académie. Mais on est dans les années 80, c'est 87 si je me souviens bien, et en fait ça fait longtemps que la querelle des anciens des modernes est en train de sourdre. Et l'affaire d'Alceste et d'Iphigénie, c'est un épisode de la querelle des anciens et des modernes, parce que précisément, que disent les anciens dont le fer de lance, enfin les fers de lance sont Racine et Boileau? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent... Les deux grands amis d'ailleurs. Pardon? Les oui, deux grands amis. Ils sont devenus amis hein, dans les années 60. Pas encore à cette époque. Non, pas trop. Boileau, il était vraiment très copain avec Molière, qui était fâché avec Racine, etc. Et donc, et c'est à la fin des années 60, et surtout au début des années 70, que les deux hommes vont se rapprocher. Alors, ils ont des intérêts communs, qui est justement la défense de la littérature imitée de l'Antiquité, face à la littérature qui, lorsqu'elle reprend des sujets antiques, les transforme, les bouleverse complètement. Et c'est le cas évidemment de l'opéra, puisque l'opéra dans Alceste, l'un des prétextes du sujet aussi, c'est de montrer Hercule qui descend aux enfers avec... Bon, oui. Mais là encore, si ça les gêne, est-ce que c'est pour des questions esthétiques ou est-ce que c'est, comme on le comprend un petit peu depuis le début de cette émission, pour des questions de stratégie, de positionnement, de donc défendre son précaré? C'est aussi pour des questions esthétiques, parce que leur art repose sur le principe de l'imitation. Hein. Depuis la Renaissance, en fait, la grande découverte de la Renaissance, depuis la Pléiade en France, Ronsard, etc., c'est qu'est-ce que c'est qui fait des chefs-d'œuvre? C'est celui qui est capable de prendre les sujets antiques et de mettre sa charrue dans le sillon et de creuser plus profondément. Ouais. C'est-à-dire l'imitation créatrice. Et le point de vue de Boileau qui écrit des épîtres et des satires comme Horace, hein, le poète latin, c'est ce point de vue-là. C'est-à-dire que je reprends le même schéma, je l'adapte à mon temps, et j'en fais une œuvre moderne, une œuvre nouvelle. Mais ces grands artistes ne sont pas tentés par, j'ai envie d'employer un mot moderne, la disruption. Ils ne se disent pas quand même qu'ils pourraient finalement tenter autre chose. Mais c'est ce que font les modernes. C'est ce que font les modernes. Voilà. Mais pourquoi est-ce que Racine... C'est ce que font les modernes qui disent... mais les modernes ne sont pas aussi audacieux que ça, malgré tout. Hein, et ils font, comment dirais-je... Ils n'hésitent pas à bouleverser complètement et à ne pas garder ce que... La théorie classique sur laquelle la théorie classique va insister. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un sujet dans l'Antiquité, prenons Andromaque encore, vous pouvez le bouleverser entièrement pourvu que vous gardiez l'âme du sujet, c'est-à-dire l'assassinat de Pyrrhus par Oreste. Et là, bon, mais eux, ils sont capables de modifier, les modernes sont capables de modifier même ça, c'est-à-dire le sujet, ça peut naître comme prétexte. Mais l'enjeu, c'est évidemment que les modernes, il y a une dimension politique là-dedans. Les modernes disent, les meilleurs, en fait, c'est pas les anciens. C'est plus les anciens. Les meilleurs, c'est les gens de notre temps. C'est Racine. Et Racine, qui est un ancien, il est pris exactement, enfin, il est pris comme l'un des modèles de ce que le siècle de Louis XIV, c'est-à-dire cette période-là, Molière, Racine, sont supérieurs à Plaute, Terence, Aristophane, d'un côté, et Euripide et Sophocle de l'autre. Alors, qu'est-ce qui l'empêche, finalement, de devenir un chef de file des modernes, en disant, mais oui, avec ma manière moderne, je continue d'utiliser des sujets qui sont des sujets anciens? Mais justement, lui, il dit, moi, avec ma manière moderne, je continue à être un ancien, alors que les autres, avec leur manière qui pulvérise tous les codes et leur non-respect vis-à-vis de l'Antiquité. Il faut voir une chose, c'est que ce contre quoi se sont élevés Boileau et Racine, c'est cette nouvelle littérature qui est née dans les salons. Alors, c'est compliqué, hein, la littérature salon, parce que Molière, il était applaudi par les salons. Hein, le principal public de Molière, c'est pas le peuple qui n'avait pas les moyens d'aller au théâtre, c'est l'aristocratie de la ville, des salons et des salons de la cour. Mais dans les salons, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit des vers, des petits vers, on écrit des lettres. On s'amuse à écrire des lettres d'amour. Les fameuses lettres portugaises, en fait, elles ont été écrites comme jeu dans des salons avant d'être réunies dans... Et donc, du coup, et ça, c'est nouveau. Et ça, on veut présenter ça comme de la littérature. Et Boileau est absolument horrifié par le fait que des petits vers que l'on compose comme ça, par jeu, par gageure, des impromptus qu'on écrit comme ça sur un sujet, sur une question d'amour. Un roi peut-il être, en peut-on être roi et amoureux? C'est le sujet de Bérénice. Mais ça peut être aussi une question d'amour, vous voyez. Et donc, ça, c'est considéré comme étant une sorte de sacrilège vis-à-vis de la grande littérature qui doit continuer à rester dans la lignée de l'Antiquité. Alors la grande littérature, ça peut être Phèdre par exemple, la pièce de Racine qui va être une sorte de porte-étendard, de porte-drapeau de ce courant des anciens. Mm-hmm. Oui, bien sûr, parce que justement, ce qui est intéressant quand on compare ce que capable de faire un moderne, qui est l'un des rivaux de Racine, et s'appelle Pradon. Il est connu pour avoir écrit une Phèdre et Hippolyte qui a été représentée en même temps que la Phèdre et Hippolyte de Racine, hein, puisque le titre original, c'était Phèdre et Hippolyte. Bon, celle-là n'a pas duré très longtemps, seulement 6 semaines, oui, par rapport à la Phèdre de Racine, qui a largement duré, gagné au point. Mais c'est intéressant de voir que qu'est-ce qu'est Phèdre dans la Phèdre de Pradon. Eh ben, elle n'est pas encore mariée à Thésée. C'est-à-dire qu'en fait, où est l'enjeu de l'inceste? C'est un faux inceste, puisque Hippolyte, c'est le beau-fils, hein, de Phèdre, puisque c'est le fils d'un premier mariage de Thésée. Mais la rivalité père-fils liée à cet inceste est complètement amoindrie chez Pradon, alors que Racine, lui, garde au contraire le fond du conflit, qui est que cette femme va à l'encontre, à cause de la passion amoureuse qui la hante, va à l'encontre de tous les interdits. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Georges Forestier, que les deux notions clés du tragique pour Aristote et donc pour Racine, c'était la frayeur et la pitié. C'est ça qu'il faut qu'il y ait pour qu'il y ait tragédie chez Racine. Est-ce qu'on peut le dire de toutes les tragédies de Racine et notamment, peut-on le dire, de Bérénice? Voilà. Un extrait et puis on répond je à vous cette question. Il est temps que je vous éclaircisse. Oui, Seigneur, j'ai toujours adoré Bérénice. Pour ne la plus aimer, j'ai 100 fois combattu, je n'ai pu l'oublier. Au moins, je me suis tu. De votre changement, la flatteuse apparence m'avait rendu tantôt quelque faible espérance. Les larmes de la reine ont éteint cet espoir. Ses yeux, baignés de pleurs, demandaient à vous voir. Je suis venu, Seigneur. Vous appelez moi-même, vous êtes revenu. Vous aimez, on vous aime. Vous vous êtes rendu, je n'en ai pas douté. Pour la dernière fois, je me suis consulté. J'ai fait de mon courage une épreuve dernière. Je viens de rappeler ma raison tout entière. Jamais je ne me suis senti plus amoureux. Il faut d'autres efforts pour rompre tant de nœuds. Ce n'est qu'en expirant que je puis les détruire. J'y cours. Voilà de quoi j'ai voulu vous instruire. Oui, madame, vers vous, j'ai rappelé ses pas, mes soins ont réussi. Je ne m'en repens pas. Puisse le ciel verser sur toutes vos années 1000 prospérités, l'une à l'autre enchaînées. Ou s'il vous garde encore un reste de courroux, je conjure les dieux d'épuiser tous les coups qui pourraient menacer une si belle vie sur ces jours malheureux que je vous sacrifie. Extrait un peu daté de Bérénice, acte 1, scène 7, par un acteur de la Comédie française, dont nous tairons le nom. Bérénice, c'est cette pièce dans laquelle Titus renonce à l'amour pour obéir à la raison d'État. Il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. C'est la citation très célèbre. Alors, est-ce qu'on peut dire que Racine, dans cette pièce, invoque la frayeur et la pitié? Georges Forestier, qu'en dites-vous? Et effectivement, il ne l'invoque pas, mais c'est un sujet contraint. C'est-à-dire qu'en fait, là encore, ce sont les circonstances qui l'ont conduit à ce sujet, c'est-à-dire qu'il l'avait appris Et le théâtre pour lequel il représente, il joue et il composait les pièces, qui était l'hôtel de Bourgogne, avait appris que Corneille, qui en bon normand était près de ses sous et donc proposait ses pièces aux plus offrants parmi les trois théâtres parisiens, et donc que Corneille avait composé une Bérénice qui que la troupe de Molière va prendre avec une forte avance sur recette. Et du coup, on a demandé à Racine, son théâtre a demandé à Racine de composer. Et il faut savoir que la concurrence entre les théâtres sur un même sujet, ça date de la naissance des deux théâtres parisiens en 1630. Dès le début, il y a eu des sujets concurrents, donc sur le même, enfin le même sujet souvent sur. Et donc voilà, donc Racine a relevé, pour lui c'était une gageure. Et en même temps, il s'agissait pour lui d'aller au bout de quelque chose qui est que Corneille, quand il écrit sa Bérénice, puisqu'au XVIIe siècle, on l'appelle pas Tite Bérénice, on l'appelle la Bérénice du Palais Royal, face à la Bérénice de l'Hôtel de Bourgogne, et que il l'a pas appelé tragédie, il l'a appelé comédie héroïque. Parce qu'il avait défini dans ses fameux discours théoriques, ça, il a écrit des traités très importants, Corneille, il dit que le sujet d'une grande tragédie ne peut pas se contenter de l'abandon, de la perte d'une maîtresse. Autrement dit, l'enjeu principal d'une tragédie, ça, il peut y avoir de l'amour, mais ça ne doit pas être l'amour. Et donc, lorsqu'il explique que lorsque ça ne s'élève pas donc jusqu'à un enjeu de succession, de mort, de haine, de vengeance, etc., eh bien, ça doit se contenter de la perte d'une maîtresse, c'est un sujet de comédie. Mais comme ce sont des rois et des reines, comédie héroïque. Et c'est comme ça qu'il invente un nouveau genre dans les années 50, qui est la comédie héroïque. Et donc, il dit, ma Bérénice, c'est comédie héroïque. Et Racine, lui, qu'est-ce qu'il veut prouver? Il veut prouver que le sujet de la séparation peut conduire jusqu'à la limite de la frayeur et la pitié. C'est pour ça que dans sa préface, à juste titre, il invoque le plus célèbre cas de séparation amoureuse qui débouche sur le suicide de l'héroïne, qui est celui de Didon et Énée, qu'il avait appris quand il était tout jeune chez à Port-Royal, où on interdisait de lire des romans, mais on faisait apprendre Virgile parce que c'était tellement beau qu'il fallait l'apprendre. C'est pour ça qu'en vous écoutant, moi j'ai l'impression qu'il est tellement moderne, Racine, j'ai tellement envie de le mettre du côté finalement, fondamentalement plutôt des modernes. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais il va être moderne, si vous voulez, aux yeux de la postérité, parce que il a inventé quelque chose. Et c'est ce que disent Perrault et les autres. Ils disent « non moderne ». Nos racines de Corneille et de Molière sont supérieures aux anciens que sont les Plotes, les Terence, les Aristophanes, les Sénèques et les Euripides. Et donc voilà, vous voyez, l'enjeu il est politique, il est quand même esthétique, bien sûr, mais la question c'est, est-ce qu'on continue à écrire dans la lignée de la manière dont on a toujours écrit, ou est-ce que désormais la littérature française peut servir de modèle à elle-même? Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui a fait basculer le XVIIIe siècle. Alors, par exemple, ce qu'il y a, à mon sens, de très moderne et d'assez extraordinaire dans Bérénice, c'est que il y a pas d'action. Oui. Il y a une seule action en réalité, c'est l'annonce par Titus qu'il quitte Bérénice. Oui. Et le reste, C'est une longue tentative d'explication. Et comme la tentative d'explication ne marche pas, ce qui est remarquable avec Titus, c'est qu'il est aphasique. On est en présence d'un type qui doit annoncer quelque chose, qu'il ne peut pas. Racine joue admirablement avec le tiers exclu, parce que le personnage d'Antiochus est formidable. Dans n'importe quelle autre pièce, Antiochus lui aurait dit... Ouais, je vais en profiter, je vais intriguer, je vais essayer de enlever... Là, rien, Antiochus, c'est un porte-parole qui se fait chasser au moment où il se fait le porte-parole. Et donc, c'est une tragédie de la parole, Bérénice. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, on a pas mal parlé d'Andromaque. On a bien compris que c'était, pour vous, une pièce fondamentale, en ce sens qu'elle constitue vraiment la révolution racinienne. Ouais. Pour vous, c'est ça que cette pièce représente, et notamment parce que Racine, il développe une action dans laquelle le tragique réside dans les conséquences destructrices de la passion amoureuse. Pourquoi est-ce que c'est si important pour comprendre Racine de comprendre que dans Andromaque, par exemple, l'amour est avant tout destructeur? Alors, pour reprendre le début de votre question, il y a trois révolutions au XVIIe siècle. Il y a le Cid en 1637, il y a l'École des femmes en 1662, et il y a Andromaque en 1667. Hein. C'est les trois événements qui ont bouleversé, qui ont modifié le théâtre. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est que La passion destructrice, ça fait longtemps qu'elle est destructrice, sauf que dans toutes les pièces qui ont précédé, tragédie ou tragicomédie, les héros qui assassinent par amour sont des traîtres, des méchants, des jaloux, etc., etc. Et là, pour la première fois, Racine a l'idée géniale de prendre un sujet dans lequel qui prend de ce point de vue-là dans l'Antiquité, qui est le fait que Oreste tue Pyrrhus parce que depuis son enfance Hermione lui était promise et que Pyrrhus lui a enlevé en épousant Hermione. Et ce point de vue-là, c'est quoi? C'est qu'un héros assassine un autre héros. Mmh. Oreste est le fils d'Agamemnon, Pyrrhus est le fils d'Achille. Et pourquoi un héros est-il conduit à tuer un autre héros? Uniquement par passion, par l'engrenage dans lequel il se laisse entraîner dans la passion amoureuse. Et c'est la raison pour laquelle il lui fait dire, quand il arrive assez peu dans son premier dialogue, assez vite dans son premier dialogue avec Pylade, son confident, « Je me livre en aveugle au transport qui m'entraîne. » C'est-à-dire que d'emblée, il est tellement amoureux qu'il est capable de tout. Alors, il est capable de tout. Il faut dire que le personnage racinien, peut-être chez Andromaque, dans Andromaque en particulier, est assez contradictoire. Ce sont des personnages qui ont bien souvent deux faces. Et vous évoquez même une esthétique de la contradiction. On peut souligner que Racine était contemporain de La Rochefoucauld, qui disait que on est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. C'est un peu l'impression qu'on a quand on regarde une pièce de Racine, de ces personnages qui se rendent compte qu'ils sont doubles, qu'ils ont deux faces. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Racine, là encore, il personnalise ou il s'approprie une notion fondamentale qu'il y avait chez Aristote dans la poétique, qui était que pour que on croie au personnage qui, comment dirais-je, pour pas qu'on soit rebuté par le crime accompli par un personnage, il faut pas que ce soit un tyran absolu. Parce que le tyran absolu, on le déteste, ça nous fait horreur. Pour que la frayeur et la pitié puissent marcher, et non pas la répulsion, il insiste bien là-dessus. Hein. Il faut qu'on y ait, on ressente de la frayeur et de la pitié, mais pas de la répulsion. Il s'agit toujours d'être en empathie avec ce qui se passe sur et la donc, scène. Et donc, si c'est un tyran qui fait périr un juste, on a de la répulsion. Et c'est pour ça qu'il dit, le personnage idéal, c'est celui, c'est le héros, c'est l'homme vertueux, qui commet une faute, qui le fait tomber dans le malheur, ou qui fait tomber l'autre dans le malheur. Et c'est ça, du coup, comme on est à la fois vertueux, et accomplissant une faute, on se retrouve être un personnage à double face. C'est le personnage culminant dans le personnage à double face, c'est Phèdre, bien évidemment. Est-ce que c'est un contresens de dire qu'il y a les germes du romantisme là-dedans? Est-ce que c'est anachronique? Oui, ça, c'est enfin, c'est anachronique, mais est-ce que ça a un sens quand même? Dans ce cas-là, toutes les histoires d'amour ravageuses sont romantiques. Et bon, voilà, donc ça me paraît. En tout cas, les romantiques ne regarderont pas du côté de Racine. Non, parce que les romantiques, ils vont avoir un autre enjeu qui est celui de pulvériser la manière dont on raconte les histoires. Même si il y a un mythe romantique, hein, que la tragédie classique, on va continuer à la représenter jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais malgré tout, il y a ça. Et donc, c'est pas l'amour lui-même qui est en jeu. C'est la manière dont on va représenter l'amour à un moment donné où la langue de Racine, telle qu'elle était exprimée, déclamée, elle est en train de se perdre. Et c'est pour ça que Claudel ne la comprendra plus. Tu vois les roues dans la terre, c'est ma motion. Tu vois ma voix. C'est mon horizon. Thank you. ses œuvres sur France Culture. Nous faisons un tour dans l'œuvre de Racine grâce à vous, Georges Forestier. Alors, on a vu qu'il y avait différents cycles chez Racine, cycle grec, romain, oriental, biblique. Racine disait d'ailleurs que, on pourrait retrouver ce que disent les historiens dans ces pièces, qu'il y avait quand même une volonté de ne pas raconter tout à fait n'importe quoi. Et on sait aussi qu'il a été historiographe du roi, on en parlera si on a un petit peu de temps, Georges Forestier. Quelle est la place de l'histoire majuscule dans l'œuvre de Racine? Elle devient importante à partir du moment où il quitte le cycle légendaire, c'est-à-dire après Andromaque, et au moment où il se met à aborder le sujet de la tragédie romaine. Parce que la tragédie romaine, elle est fondamentalement des sujets d'histoire. C'est Britannicus, c'est Bérénice, ce sera Mithridate quelques années plus tard. Et donc, l'histoire joue un rôle fondamental parce qu'elle est la garantie de ce qui est raconté. Corneille disait, l'important, c'est pas la vraisemblance, c'est le faire croire. Il faut que le public croie ce qu'il voit, et donc il faut lui raconter des histoires, soit qui sont appuyées sur l'histoire, soit sur la vraisemblance, soit sur la légende. On sait depuis toujours que ça a été raconté ainsi. Et l'histoire a un rôle, comme disait Aristote encore lui, et je suis désolé de le citer aussi souvent à cette antenne, elle a un rôle rhétorique fondamental, c'est-à-dire que persuasif. L'histoire est persuasive. À partir du moment où elle est devant un sujet historique, on sait que ça a eu lieu. Il y a un effet de réel pour le spectateur. Surtout quand on ne fait pas comme certains, qui est que Titus épouse Bérénice à la fin. Ça s'est vu. Mm-hmm. Ça s'est vu. Alors que lui, il respecte évidemment son point de départ, c'est le fait que la séparation, son point de départ, c'est la séparation finale. Et donc, il construit une intrigue qui dit comment arriver à la séparation finale de deux êtres qui s'aiment plus que tout au monde. Et du coup, l'histoire joue un rôle fondamental, et la politique, et l'enjeu politique, parce que Bérénice, c'est la pièce dans laquelle le sujet de politique de Bérénice, c'est l'amour. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Et là, il a besoin de l'histoire pour pouvoir faire croire à ça. Sinon, ça paraît invraisemblable qu'un empereur renonce à celle qu'il aime, alors qu'il pourrait... Bon, mais on sait que Titus n'a pas voulu être un nouveau Néron, donc il n'a pas voulu renoncer à son image d'empereur. Donc c'est très intéressant ce que vous dites du rapport à l'histoire de Racine. Alors le fait qu'il ait été justement historiographe, historien, je ne sais pas, on ne peut pas employer ce mot-là qui n'a pas de sens par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire. Oui, il y avait un titre officiel qui était historiographe. Il ne l'a jamais eu, ni Boileau. Je ne sais pas pourquoi Louis XIV ne l'aura pas donné, parce qu'il leur a donné les 6000 livres afférentes par an, mais à chacun. Mais bon, ils ont été historiens du roi. Il se trouve qu'être historien du roi, c'est raconter les hauts faits du roi. C'est-à-dire... Donc c'est le roman du roi, en voilà, réalité. Voilà, pour nous, c'est le roman du roi. Il se trouve que malheureusement, Racine, il a travaillé de 1677 à sa mort en 1699. Il avait des tonnes de notes, des passagers rédigés, etc. Et que quand il est mort, il a désigné comme successeur un type qui s'appelait Valincourt, qui lui a succédé d'ailleurs à l'Académie française, qui a rien fait. Et même comme historien du roi auprès de Louis XIV, qui a rien fait. Et il a laissé sa maison de campagne à Saint-Cloud brûler en 1722, et tous les travaux de Racine ont disparu. Ouais. Mais est-ce qu'on a une toute petite idée du ton que ça pouvait employer Oui, parce qu'il y a un texte qui existe, qu'on a conservé, j'ai oublié le titre d'ailleurs, parce que c'est pas moi qui l'ai édité, ça fait très longtemps que je me suis pas intéressé à la prose de Racine. Il y a un texte qui figure dans le tome 2 de la Pléiade sur parmi les proses de Racine, et on voit bien en fait dans ce texte, parce que je l'avais lu jadis, que en fait c'est un texte qui repose sur une rhétorique de l'éloge. Mais est-ce que ça fait partie de l'œuvre ou pas? Bah, de toute façon, à part ce petit texte-là, il reste rien de ce qui devait être le grand œuvre de Racine. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'il cesse... Il y a une phrase de Boileau qui est absolument passionnante. Le fait que Racine cesse d'écrire pour le théâtre en 1677, il fait un mariage de raison, il va tomber amoureux de sa femme, tant mieux, mais il fait un mariage de raison, il quitte la Champmêlée, la grande actrice avec laquelle il vivait maritalement, alors qu'elle était mariée depuis quelques années. Et donc, pour devenir historien du roi, parce que c'est Madame de Montespan, la maîtresse du roi, qui voulait absolument avoir des grands poètes dignes du roi pour écrire son histoire. Et Boileau a une phrase, quand quelques années plus tard, il publie des œuvres, des pièces qu'il avait rassemblées, il précise bien qu'il ne les a pas écrites depuis qu'il est historiographe, c'était des pièces avant. Et il dit, des pièces que j'ai écrites avant d'être tiré du métier de poésie par le glorieux emploi où j'ai été appelé. Avant d'être appelé dans le glorieux emploi qui m'a tiré du métier de poésie. Vous voyez la différence? Le glorieux emploi, c'est être historien, écrire l'histoire du roi. Parce que de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, le plus haut art littéraire qui soit, c'est l'histoire. Et de toute façon, ce qu'il faut être au XVIIe siècle, c'est être un honnête homme. Et ça, Racine aspire à l'être. Il disait que c'était la seule condition qui importait à ses yeux. Mmh. Être un honnête homme, ça veut donc pas dire dévouer entièrement sa vie au théâtre, par exemple. Ou alors, il faudrait le faire en, pas de manière professionnelle. Justement, alors, Racine qui se veut honnête homme, il faut savoir qu'il se pensait d'origine semi-noble, qu'il est devenu noble en achetant des charges. À partir de 1774, il achète une charte de trésorier de France qui l'anoblit. Et ensuite, lorsqu'il devient, se rapproche de Louis XIV, qu'il devient un des plus proches courtisan de Louis XIV grâce au fait d'être historien du roi, il a quelque chose qui est... Il a un glorieux emploi. Un emploi, c'est que lorsqu'un... C'est comme un maréchal de France ou quelque chose... C'est pas du tout pareil qu'un métier. Et donc, or, auteur, c'est avoir un métier. Et évidemment, ce que cherche Racine à, plus que tout, c'est à faire oublier qu'il avait eu un métier. Et donc... Et celui qui a un emploi, c'est celui qui est capable de faire ce qu'il veut. C'est celui qui, étant historien du roi, il a pu un jour écrire des tragédies parce que le dilettantisme de l'honnête homme, c'est-à-dire de l'homme de cour, du seigneur, du mythe un peu qui français, touche à tout. Justement, du dilettante. Exactement, oui. Exactement. C'est cette mythe qui naît au XVIIe siècle avec ce qu'on appelle l'esthétique galante ou l'éthique galante qui donne naissance à l'honnêteté, et l'honnêteté en ce sens-là. C'est-à-dire, honnête homme, c'est celui qui se pique de tout, qui ne fait profession de rien et qui évidemment excelle en tout. Et cette idée-là, alors il se trouve que Racine, à la fin de sa vie, il a voulu juxtaposer ou superposer honnête homme et homme de bien. Homme de bien au XVIIe siècle, ça veut dire homme de bien sur le plan moral et religieux. Et le fait qu'il soit devenu véritablement dévot à la fin de sa vie lui a permis d'être à la fois honnête homme et homme de bien et de superposer les deux. Et c'est la raison pour laquelle il a si volontiers écrit les commandes de Esther et Attali par Madame de Maintenon. Est-ce qu'il se souciait de sa postérité? Est-ce que ça a même du sens de dire d'un auteur du XVIIe siècle qu'il se souciait de sa postérité? Bien sûr, parce que il est frappant de voir que lorsque Racine renonce au théâtre, pour des raisons, encore une fois, hein, pour devenir historien du roi, donc il cesse le métier de poésie à partir de 1977. En 87, il publie une nouvelle édition de son théâtre. Et en 97, deux ans avant sa mort, alors même qu'il écrit à son fils qu'il veut pas qu'il le voit paraître aux opéras et aux pièces de théâtre auprès du roi à Marly, parce que son fils, elle avait repris sa charge, il était très souvent à la cour, parce qu'on sait le scrupule que je me fais moi-même de paraître à ces spectacles. Ça veut dire qu'en fait, à la fin de sa vie, il renonce au spectacle parce qu'il dit le théâtre empoisonne les âmes, comme tous les extrémistes religieux. Il n'y a rien de plus dangereux. Ah bah il rejoint comme... un petit peu alors les jansénistes. Ah bah bien sûr, ouais. Bien sûr. Il avait été éduqué là-dedans, il avait sauté le pas en devenant auteur de théâtre en leur tournant le dos. Mais à la fin de sa vie, il faut savoir que sa tante, qui va voir une fois par semaine, est devenue abbesse supérieure de Port-Royal des Champs. Et donc, il se retourne vers ça, et il est persuadé, et c'est le moment où il fait son salut. Tous les hommes passés la quarantaine, cinquantaine, se disent « Oh là là là là, la mort approche, et donc retournons-nous vers nos péchés. » Et donc, du coup, il y a chez lui ce retour-là, qui explique que, en tant qu'homme de bien, il devrait renoncer aussi à cet orgueil qui est celui de poète. Et malgré tout, en 1697, ultime édition de son théâtre, qui retouche largement. Et donc, il fabrique son propre monument pour l'immortalité. Aujourd'hui, Racine, c'est l'une des références absolues du théâtre français, et finalement sans discontinuer hein, depuis sa mort. Comment vous expliquez-vous cette longévité, cette gloire qui n'a jamais faibli? Eh bien, si on reprend le titre de votre émission, un classique vivant, hein, il était classique vivant de son temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, il y a précisément une telle force dans les relations entre les personnages, une telle violence contenue qui marque la force des passions, qui étaient celles du XVIIe siècle, qui pouvaient être celles de l'Antiquité, et qui sont celles d'aujourd'hui, qu'on a l'impression que ceux qui s'aiment, qui se déchirent et qui s'entretuent sont nos contemporains. Et c'est probablement à ça qu'on reconnaît un grand classique qu'il ne se démode jamais. Merci beaucoup Georges Forestier. Je renvoie nos auditeurs sur la biographie que vous avez consacrée à Racine pour la Maison Gallimard en 2006. On peut également signaler votre biographie de Molière chez le même éditeur, prix 2019 de la biographie de l'Académie française. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et c'est aujourd'hui Guillaume Périlloux qui vient nous voir. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Vous êtes critique littéraire au magazine Tetu et Grazia et vous nous parlez aujourd'hui de L'Inconnu du Miroir, le dernier livre d'Atik Raimi. Oui, paru le 6 février aux éditions POL, 12 ans maintenant. Après Singuet Sabour, Pierre de Patience, qui avait reçu le prix Goncourt. L'Invité du Miroir est aujourd'hui un ovni, mélange de dessins, de récits, mais surtout, c'est un long poème et au départ le journal ou le carnet de bord d'un tournage, celui du dernier film d'Atik Raimi. L'écrivain et réalisateur afghan a adapté pour le grand écran le livre de Scholastic Mukasonga, Notre-Dame du Nil, qui avait paru chez Gallimard en 2012 et reçu lui le prix Renaudot. Un film du même nom en ce moment, donc au cinéma. L'histoire d'un pensionnat pour jeunes filles de bonne famille, de la bonne société rwandaise au tout début des années 70, quelques années donc après la décolonisation. Ces jeunes filles y étudient pour devenir de bonnes épouses, bonnes mères, bonnes citoyennes, bonnes chrétiennes. Le président Hutu, Kayibanda, commence à ce moment-là des opérations punitives contre l'ethnie rivale et le collège Notre-Dame du Nil applique un quota. Seuls 10% de Tutsis seront désormais acceptés dans l'établissement. Et voici en fait la source de ce qui devint le génocide rwandais 20 ans plus tard, en 1994. Raimi écrit « Il faut nommer l'horreur, sinon elle reviendra. Ici, le silence n'est pas pour prier ». Mais pour chercher à nommer les mots innommables. Grâce à la poésie, Atik Raimi reflète par la subtilité des mots la vulnérabilité des hommes, son impuissance aussi à rendre par l'image quelque chose qui, dans le fond, ne peut véritablement être complètement montré. Il écrit « Je pense exaspéré, le génocide n'est donc pas innommable, mais infilmable ». Ainsi, par cette adaptation au cinéma et par ce livre de poésie, Raimi continue l'écriture d'une œuvre qui tourne autour de la guerre et de la mémoire. Oui, c'est que la guerre, Atik Raimi la connaît. Né à Kaboul en 1962, il a fui son pays où son frère est mort en 1989. Un pays envahi par l'URSS pendant 10 ans, l'une des dernières convulsions de la guerre froide, un pays miné aussi par les talibans. En France, Raimi a eu l'asile politique, puis le mal du pays, la nostalgie des immigrés. Il a choisi d'écrire pour se sauver. Scholastic Mukasonga, elle, a connu la déportation et les massacres dans son pays d'origine. Raimi cherche à comprendre, il fait des ponts. Pour lui, 1994, c'est autant la guerre civile en Yougoslavie que la guerre en Afghanistan ou bien l'atrocité au Rwanda. D'ailleurs, dans le Figaro littéraire, Mohamed Aïssaoui écrit justement que rares sont ceux qui ont vécu une tragédie à se pencher sur une autre. On pense à André Schwarzbart, par exemple, autre prix Goncourt, auteur du Dernier des Justes en 1959, à qui l'on avait justement reproché de faire le lien entre la Shoah et l'esclavage. Raimi écrit d'emblée, au début de son livre, « Non, ce n'est ni par hasard, ni par nécessité, si je me trouve ici, au Rwanda, pour tourner un film sur les prémices du génocide. Il y a autre chose, un autre élan indéfinissable, parce qu'il m'est venu du dehors, d'un ailleurs. C'est un appel, une convocation, dirais-je, pour que je regarde et retouche les cicatrices de l'histoire dans un pays qui, tel un miroir, invite l'humanité à s'y contempler, à découvrir ses blessures et à se reconnaître dans ses horreurs et ses douleurs. » Voilà, l'invité du miroir, c'est donc lui, le poète, qui voit dans les traits de ses frères rwandais son propre visage, de son pays des mille et une montagnes, dit-il, jusqu'à celui des mille collines. Il n'y a qu'un pas. Et l'invité du miroir sera donc le livre de la semaine dans le magazine Grazia de la semaine prochaine. Merci Guillaume, à très bientôt. C'était la Compagnie des œuvres, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Valentin Bobinet ont œuvré aujourd'hui pour ce numéro. continue de parler de Racine. On reviendra notamment sur Phèdre et sur le rapport du dramaturge avec Euripide. Pour ceux qui aiment Simenon, eh bien ne manquez pas l'enregistrement du Chat de Simenon. C'est le 25 février prochain, en public à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Il faut s'inscrire sur le site maisondelaradio.fr.